Chapitre 8e. Le matin du jour où Fabien Damol et Roland de Clayès s'étaient, à la suite de mots peu courtois, échangés dans leur rencontre aux Champs-Élysées, donné rendez-vous pour le lendemain, un petit homme ventru, chauve, portant lunettes, rigoureusement vêtu de noir et cravaté de blanc, portant sous le bras un large portefeuille en maroquin, et ayant toute l'allure de l'homme d'affaires, descendit d'un coupé de louage rue Saint-Florentin à la porte du numéro 18. Le concierge, appuyé sur son balai d'un air magistral, se trouvait sur le seuil. Quand il vit le petit homme décidé à le franchir, il le regarda curieusement d'abord, puis d'un air assez dédaigneux, et comme s'il se fût demandé chez lequel de ses aristocratiques locataires pouvait aller un personnage aussi malpropre, celui-ci le regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle de Chamerie est-elle chez elle ?»« Oui, monsieur. » Et le concierge salua aussi respectueusement l'individu crasseux et vêtu de noir qu'il l'avait tout à l'heure toisé d'une façon presque impertinente. « À quel étage ?»« Au premier, à droite. » Le petit homme monta et mit la main sur le bouton de cristal de la sonnette. L'escalier soigneusement frotté, la porte à deux vantaux sur le seuil de laquelle le visiteur s'était arrêté, la belle apparence de la maison, tout semblait annoncer que celle qui se faisait appeler Mademoiselle de Chamerie était dans une situation sinon opulente, du moins très aisée. Un petit groom à bottes à revers et à gilet rouge vint ouvrir et, comme le concierge, toisa l'homme à la cravate blanche. « Mademoiselle n'est pas visible. Revenez à 3 heures. Il ne fait pas jour chez elle avant midi. »« Pardon, pardon, » répondit le visiteur d'un ton d'autorité. « Faites passer ma carte à Mademoiselle de Chamerie et vous verrez qu'elle me recevra. » Le groom le toisa de nouveau. « Seriez-vous, monsieur Rossignol ?» lui demanda-t-il, précisément. À leur entrée, j'ai des ordres. Le groom conduisit M. Rossignol au salon, souleva une portière et disparut. Un instant après, l'homme d'affaires, s'en était un, entendit ouvrir les croisées d'une pièce voisine, les rideaux jouer sur leurs tringles, et une voix de femme qui disait « Justine, donne-moi ma pelisse et fais entrer M. Rossignol. » 2 minutes après, une jeune et jolie femme de chambre souleva la portière derrière laquelle le groom avait disparu, fit un signe à M. Rossignol qui se leva et l'introduisit dans une chambre à coucher tendue en velours bleu encadrée de minces baguettes dorées, meublée avec un luxe délicat, et au fond de laquelle l'homme d'affaires aperçut Mademoiselle de Chamerie dans son lit mais sur son séant et les épaules chaudement enveloppées dans une pelisse de martre zibeline. De la main, elle indiqua un fauteuil roulé à son chevet. Quand M. Rossignol lui eut pris place avec ce sans-gêne des gens qui passent les 2 tiers de leur vie dans la chicane, elle congédia d'un geste Justine et le groom qui venait d'allumer le feu de madame. « Je n'y suis pas, » dit-elle. « Pour personne ?» demanda Justine. « Pour personne au monde. »« Pas même pour monsieur le baron. S'il vient, tu le prieras d'attendre. » La camérière et le groom sortirent. « Maintenant, M. Rossignol, » dit Mademoiselle de Chamerie, « nous pouvons causer. » Le petit homme s'inclina. « Il est certain, dit-il, que le sens du biais de mademoiselle laisse assez entrevoir qu'elle a des choses graves à me confier. » Et il se réinstalla commodément dans son fauteuil. « Monsieur Rossignol, » reprit mademoiselle de Chamerie, « vous êtes à la tête d'une agence de recouvrement, d'achat de créances véreuses, de procès compromis ou abandonnés, n'est-ce pas ?»« C'est-à-dire, » répliqua monsieur Rossignol, sans paraître blessé le moins du monde du ton méprisant avec lequel Mademoiselle de Chamerie avait défini sa profession. « C'est-à-dire que je suis le directeur de la Société mutuelle et judiciaire d'assurance contre la perte des créances. » Le petit homme prononça ces mots avec emphase. « Soit, » dit Mademoiselle de Chamerie, « je ne discute point la valeur réelle des mots, et ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier pour m'assigner un rendez-vous ici. » Entre 9 et 10, me disant que vous vouliez charger la société que je dirige d'une affaire importante. Non pas votre société, mais vous, moi, monsieur Rossignol, dit froidement mademoiselle de Chamerie. Vous êtes de Blois, n'est-ce pas? Monsieur Rossignol tressaillit. Vous y avez été premier clerc chez maître Corbon, notaire de la famille de Chamerie. Oui, mademoiselle, répondit monsieur Rossignol un peu confus. Quelques détournements vous ont fait congédier l'année, je crois, où mourut la marquise douairière de Chamerie. Votre mère, dit M. Rossignol avec aplomb. Précisément. Et Mademoiselle de Chamerie regarda froidement l'homme d'affaires. Venu à Paris, poursuivit-elle, vous y avez fait un peu tous les métiers, changé de nom quelquefois. Quelquefois aussi, vous avez subi des condamnations. Mademoiselle, mais comme vous êtes un homme intelligent, vous avez fini par vous tirer d'affaire. Et aujourd'hui, monsieur Rossignol, autrefois maître Jules Malouin, est aux yeux de la justice un homme irréprochable, bien plus, un homme réputé pour son habileté à débrouiller les affaires les plus compliquées et les plus épineuses. Monsieur Rossignol avait tranquillement écouté mademoiselle de Chamerie. Quand elle eut fini, il répondit. « Puisque vous me connaissez aussi bien, mademoiselle, permettez-moi de vous prouver que j'ai pareillement quelques données sur votre propre existence. Faites, dit-elle avec indifférence. Vous êtes la fille naturelle de M. Bruno, avocat, et de Mme de Chamerie, veuve depuis 6 années à l'époque de votre naissance. Après, maître Rossignol, vous avez été élevée au château de l'Orangerie, d'abord comme orpheline, puis le marquis Hector de Chamerie a toléré que sa mère vous appelât sa fille. Bien, ensuite, le marquis mort, sa fortune a passé au colonel comte de Chamerie, son cousin. Le marquis Hector vous détestait. C'est vrai. La marquise, votre mère, n'a pu vous laisser en mourant que 150 000 francs, fruit de ses économies et ses diamants. Mais le comte de Chamerie vous assurait, en prenant possession de l'héritage et devenant marquis, une pension viagère de 12 000 livres. Vous êtes bien renseigné, monsieur Rossignol. Attendez donc, fit le petit homme avec insolence. Je sais bien d'autres choses encore. Voyons. Ainsi, c'est à tort que vous portez le nom de Chamerie, qui ne vous appartient pas. Vous jouissez d'un revenu de 19 000 livres de rente environ, et à la mort de madame votre mère, vous aviez alors 15 ans, vous auriez pu trouver à vous marier fort convenablement. Vous avez préféré mener une vie un peu aventureuse. Maître Rossignol, interrompit sèchement mademoiselle de Chamerie, ma conduite ne vous regarde en rien, ce me semble. Oh, ce que j'en dis, répliqua l'homme d'affaires, n'a d'autre but que de vous prouver que je connais votre passé aussi bien que vous pouvez connaître le mien. Voilà tout. Eh bien, dit mademoiselle de Chamerie, puisqu'il en est ainsi, je vois que nous pouvons nous entendre à merveille. Je suis à vos ordres. Voulez-vous gagner 200 000 francs? Belle question, que faut-il faire? Écoutez d'abord l'histoire que je vais vous dire. Je vous écoute, mademoiselle. La jeune fille continua. Le marquis de Chamerie, père de mon frère Hector et mari de ma mère, avait dévoré son patrimoine avant la première révolution. À son retour de l'émigration, il hérita de son oncle, le chevalier de Chamerie, ancien officier de marine, et qui avait fait une grande fortune aux Indes, de 1760 à 1790, auprès du roi de Lahore. « Je savais cela, » dit maître Rossignol. « Attendez. » Revenu en France au commencement de l'Empire, le chevalier de Chamerie racheta toutes les terres seigneuriales ayant appartenu à sa famille, reconstitua la fortune terrienne des Chamerie et mourut 2 années après, laissant cette fortune à son neveu par un testament holographe ainsi conçu. J'institue mon légataire universel Antoine-Joseph Ferdinand, marquis de Chamerie, mon neveu. Je désire que ma fortune demeure dans les mains de la branche cadette des Chamerie, représentée en ce moment par le comte de Chamerie. La jeune femme s'interrompit. Monsieur le marquis de Chamerie, dit-elle, a transmis sa fortune à son fils Hector, lequel, fidèle au testament de son grand-oncle, a appelé à lui succéder le comte de Chamerie, son cousin. Mais le testament du chevalier avait un codicille. Ce codicille s'exprimait ainsi. Si ma fortune, ayant passé la branche cadette des Chamerie, celle-ci venait à s'éteindre, ou du moins à n'être plus représentée que par des filles, alors ma volonté formelle est qu'elle sorte de cette branche pour aller à des parents éloignés, mais qui portent notre nom, les Chamerie-Chamerois, gentilshommes vendéens. Notre parenté avec les Chamerie-Chamerois remonte au règne de François Ier, mais malgré son éloignement, elle a toujours été constatée par les deux familles. « Oh !» dit maître Rossignol, « mais voici un testament assez bizarre, et où se trouve-t-il? En ma possession. Ah ! Je l'ai trouvé dans les papiers de ma mère lors de son décès. « Mais, dit maître Rossignol, je ne vois pas trop ce que vous pouvez en faire. Attendez. » Et mademoiselle de Chamerie se prit à sourire. Le dernier marquis de Chamerie, dit-elle, avait un fils de 10 ans, lorsque ma mère mourut. Ce fils a disparu, je le sais. Il est mort. On n'a jamais pu en avoir la preuve. C'est cette preuve qu'il nous faut, maître Rossignol, ou plutôt un extrait mortuaire bien en règle. Votre officine à procès et à créance doit joindre à toutes ses spécialités, j'imagine, celle de fabriquer des actes de décès. On verra à se procurer celui-là, mademoiselle, mais attendez encore. Il n'y a plus en ce monde qu'un seul Chamery-Chamerois. Ah, il y en a un seul. Eh bien, dans 15 jours, il sera mon mari. Maître Rossignol fit un mouvement sur son siège. « Je comprends, maintenant, » dit-il, puis il parut réfléchir. « Il est évident, poursuivit-il après un moment de silence, que si on peut prouver à un tribunal que le jeune Chamery, frère de Mademoiselle Blanche de Chamery et fils de la marquise, est réellement mort, ceci est votre affaire, maître Rossignol. On ne gagne pas 200 000 francs sans rien faire. »« C'est vrai, mademoiselle. Donc, poursuivit Mademoiselle de Chamery, je vous attends dans 8 jours avec cet extrait mortuaire. Vous l'aurez. Seulement, vous me permettrez de vous demander une légère avance de fonds. Combien vous faut-il? Mais c'est tout 8 000 francs. Hasarda timidement maître Rossignol. La jeune femme sonna. Justine parut. Mademoiselle de Chamery lui remit une petite clé qu'elle avait sous son oreiller, lui indiqua un meuble et lui dit « Donne-moi le portefeuille en maroquin rouge qui est dans le tiroir de droite. » Une fois en possession du portefeuille, elle y prit 10 billets de 1 000 francs et les tendit à M. Rossignol. Celui-ci se leva après avoir serré les billets dans la poche graisseuse de son habit. « Dans 8 jours, dit-il, vous aurez de mes nouvelles. « Reconduisez, monsieur, dit la jeune femme à Justine. Tandis que l'homme d'affaires et la femme de chambre passaient par une porte, le groom montra sa tête futée à travers les vitres d'un cabinet de toilette qui avait une issue dans l'antichambre. « Entre, lui dit sa maîtresse, qu'est-ce encore ? Monsieur le baron est venu. Ah, il attend que mademoiselle soit visible. Eh bien, fais entrer. » Et mademoiselle de Chamery cacha soigneusement sous son oreiller le portefeuille en maroquin rouge. Quelques secondes après, le groom introduisit le personnage qu'il avait qualifié de baron. C'était un homme d'environ 58 ans qui tâchait de n'en paraître que 40. Du reste, bel homme, mais avec une simplicité de bon goût, ayant de grandes manières et sentant son gentilhomme. « Bonjour, » dit-il en prenant la petite main de la jeune femme et la portant à ses lèvres. « Comment allez-vous ce matin ?»« Mais, » répondit-elle en souriant, « comme une femme qui a fait un rêve. Un rêve assez singulier et que vous allez, vous, qualifier d'étrange. Asseyez-vous là, je vais vous le conter. »